c'est la mère à Camille Asimi. Pitié d'un coup de cul au fin fond de l'amendement verront zinguer avec un manger. Je ferai figue mal pour avoir un moins con avec mon bâton. J'emmerde les gars et con, j'en refais sucer mon petit poisson. C'est la bande de la citadelle.